Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 25 avril et nous souhaitons une bonne fête aux Marc, c'est dédié à Marc, un dieu romain de la guerre. Intériorisé, plutôt introverti, les Marcs sont réservés et secrets, ainsi passent-ils aisément pour des êtres flegmatiques et parfois mystérieux. En fait, ils sont méfiants, timides, inquiets, prudents et ne s'engagent pas aisément. Enclins à l'introspection, ils pèsent, ils mesurent, ils jaugent, mais une fois décidés, rien ne les arrête plus. S'ils sont nerveux et concentrés, ils sont également combatifs et actifs. Courageux et déterminés, avec un magnétisme certain, ils ressentent le besoin de se dépenser physiquement. La sphère financière, le monde des affaires ne les laisse pas indifférents. Ils sont droits, loyaux, énergiques et honnêtes et auraient même une vision un peu trop manichéenne de la vie. Ni souples, ni véritablement adaptables, ils sont peu tolérants. Stricts, autoritaires, ils détestent les flatteries. Leur sensibilité est plutôt refoulée et ils s'abritent derrière une façade critique ou ironique. Dicton du jour, Saint-Marc mouillé au petit jour, c'est de la pluie pour tout le jour. Quand Saint-Marc n'est pas beau, pas de fruits à noyaux. S'il gèle le 25 avril, il y aura du blé. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du paludisme, c'est la journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental, c'est la journée de l'ADN, célébrant la découverte de l'ADN en 1953. En Australie, aux îles Cook, en Nouvelle-Zélande, à Samoa et au Tonga, c'est la journée de l'Anzac. En Italie, c'est la commémoration de la fin de l'occupation allemande. Et à Venise, c'est la fête de la ville. Et au Portugal, c'est la fête de la liberté en commémoration de la révolution des œillets. Ça s'est passé un 25 avril 1792. Rouget de Lille composait le chant de guerre pour l'armée du Rhin, précurseur de l'hymne national français, la Marseillaise. Et 1935 avait lieu la première communication téléphonique autour du monde. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec ABBA et leur titre Dancing Queen. Yeah. Dancing Queen du groupe ABBA sur RGM. 8h36, passé de quelques secondes, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 25 avril. Et on va commencer en 1927 avec la naissance d'Albert Uderzo, auteur de bande dessinée français, créateur avec René Goscinny de la série Astérix. 1940, naissance d'Al Pacino, acteur américain connu pour son rôle de Michael Corleone dans Le Parrain 1, 2 et 3, celui de Frank Serpico dans Serpico, celui de Tony Montana dans Scarface, vu également dans Le Temps d'un week-end dans le rôle du lieutenant-colonel Frank Slade qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, vu également dans L'Impasse dans le rôle de Carlito Brigante, dans Heat dans le rôle du lieutenant Vincent Hanna, dans La Recrue dans le rôle de Walter Burke, Ocean 13 dans le rôle de Willy Bank et plus récemment dans le film Les Derniers Affranchis dans le rôle de Val. 1941, naissance de Bertrand Tavernier, réalisateur français à qui l'on doit Que la fête commence, qui a obtenu le César du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original ou adaptation. On lui doit également La fille de D'Artagnan, Lapa, Capitaine Conan, qui a remporté le César du meilleur réalisateur, ou encore Quai d'Orsay. 1945, naissance de Björn Ulvaeus, musicien suédois, membre du groupe ABBA. 1946, naissance d'Andrzej Zéverin, acteur polonais naturalisé français, que l'on a pu voir dans Indochine, La liste de Schindler, ou encore Vous n'avez encore rien vu. C'est également l'année de naissance de Talia Shire, actrice américaine connue pour son rôle de Connie Corleone dans la trilogie du Parrain et son rôle d'Adrienne Balboa dans Rocky 1, 2, 3, 4 et 5. 1947, naissance de Jeffrey DeMunn, acteur américain vu dans Les Évadés, La ligne verte dans le rôle d'Harry Terwilliger, dans la série télé New York Police Judiciaire, The Walking Dead dans le rôle de Dale Horvath, Chicago Fire ou encore The Blacklist. 1956, naissance de Dominique Blanc, actrice française vue dans La femme de ma vie, Milou en mai dans le rôle de Claire qui lui a valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Indochine dans le rôle d'Yvette qui lui a valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, La reine Margot, Ceux qui m'aiment prendront le train dans le rôle de Catherine qui lui a valu là aussi le César de la meilleure actrice dans un second rôle, dans le film Stand By dans le rôle d'Hélène qui lui a valu le César de la meilleure actrice et on peut la voir dans la série télé Versailles dans le rôle de Anne d'Autriche. 1963, naissance de Philippine Leroy-Beaulieu, actrice française connue pour son rôle de Sylvia dans Trois hommes et un couffin ainsi que la suite 18 ans après, vue également dans Les Trois frères, Le Retour ou encore la série télé 10%. 1964, naissance de Hank Azaria, acteur américain vu dans Heat, Godzilla, Dodgeball même pas mal, La nuit au musée 2 ou encore Les Schtroumpfs 1 et 2 dans le rôle de Gargamel. 1969, naissance de Renée Zellweger, actrice américaine vue dans Massacre à la tronçonneuse, La nouvelle génération, Jerry Maguire, Fou d'Irène dans le rôle d'Irene Waters, Le journal de Bridget Jones, Bridget Jones, L'âge de raison et Bridget Jones Baby dans le rôle de Bridget Jones, vu également dans Chicago dans le rôle de Roxy Hart, Retour à Cold Mountain dans le rôle de Ruby Tewes qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et vu également dans Miss Potter dans le rôle de Beatrix Potter. 1970, naissance de Jason Wiles, acteur américain connu pour son rôle de Colin Robbins dans Beverly Hills, son rôle de l'officier Maurice Boscorelli dans la série New York 911, vu également dans Esprit criminel, American Wives, Castle ou encore Les experts Manhattan. C'est également l'année de naissance de Jason Lee, acteur américain vu dans Ennemi d'État, Vanya Sky, Alvin et les Chipmunks 1, 2 et 3 et Alvin et les Chipmunks à fond la caisse dans le rôle de Dave Seville et vu dans la série télé Earl dans le rôle de Earl Hickey. 1974, naissance de Louis de Bourbon, chef de la branche aînée de la maison des Bourbons, prétendant légitimiste au trône de France. 1976, naissance de Tim Duncan, ancien joueur américain de basket qui a fait toute sa carrière en jouant aux Spurs de San Antonio de 1997 à 2016. 1980, naissance d'Alejandro Valverde, cycliste espagnol qui a notamment gagné le Tour d'Espagne en 2009, ainsi que la Flèche Wallonne à 5 reprises en 2006, 14, 15, 16 et 17, 4 éditions de Liège-Bastogne-Liège en 2006, 2008, 2015 et 2017 et 2 éditions de la classique de San Sebastian 2008 et 2014 du Critérium du Dauphiné Libéré. 2008 et 2009, il a remporté le classement par points, le maillot vert sur le Tour d'Espagne en 2012, 2013 et 2015. Il a également remporté 14 étapes de Grand Tour, 4 sur le Tour de France, 9 sur le Tour d'Espagne et 1 sur le Tour d'Italie. 1981, naissance de Felipe Massa, coureur automobile brésilien qui a disputé 269 Grands Prix de Formule 1 entre 2002 et 2017 et qui avait remporté 11 victoires avec un titre de vice-champion du monde en 2008. 1982, naissance de Karine Ferry, animatrice télé française. 1984, naissance de Simon Fourcade, biathlète français, qui en championnat du monde compte une médaille d'or sur le relais mixte remporté en 2009. 3 médailles d'argent, une sur l'individuel et 2 en relais. Et une médaille de bronze en relais également. Et lors de la saison 2011 et 2012, à noter qu'il avait remporté le Petit Globe de l'individuel. 1986, naissance de Daniel Sharman, acteur britannique, vu dans la série Teen Wolf dans le rôle d'Isaac LaHaye et la série The Originals dans le rôle de Caleb Westfall alias Cole Michelson. 1988, naissance de Sarah Paxton, actrice américaine connue pour son rôle de Darcy Fields dans la série télé Darcy, vu également dans Les Experts Miami ou encore Murder. 1990, naissance de Jean-Éric Vergne, pilote automobile français qui de 2012 à 2014 a effectué 58 Grands Prix en Formule 1. 1992, naissance de Brian Coquart, cycliste français, médaillé d'argent de l'Omnium aux Jeux Olympiques de 2012 et champion du monde de l'Américaine en 2015. 1993, naissance de Raphaël Varane, footballeur français qui de 2010 à 2011 a joué à Lens et depuis 2011, il joue au Real Madrid. En 1975, décédé Mike Brand, chanteur israélien. En 1995, décédé Ginger Rogers, actrice et danseuse américaine qui a formé jusqu'à la fin des années 40 un duo de cinéma mythique avec Fred Astaire que l'on a pu voir entre autres dans Le Danseur du Dessus, Kitty Fall qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Uniforme et Jupon Court, L'Homme de mes rêves ou encore Chérie, je me sens rajeunir. Et en 2002, décédait Lisa Lopez, chanteuse américaine du groupe TLC. Allez, avant de faire une petite pause musical, comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma. Et aujourd'hui sort Avengers Infinity War, un film d'aventure et d'action de Joey Russo et Anthony Russo avec, entre autres, un Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, donc Captain America, Iron Man, Thor, Black Panther, Spider-Man. Ils sont tous réunis hein, pour essayer d'arrêter le redoutable Thanos. Sort aussi aujourd'hui, Les Municipaux, c'est héros comédie de Éric Carrière et Francis Ginibre, avec Éric Carrière, Francis Ginibre et Bruno Locher. Autre film, Amoureux de ma femme, comédie dramatique de et avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlin. Autre film, Comme des garçons, comédie de Julien Allard avec Max Boublil, Vanessa Guide ou encore Bruno Locher. Un film d'animation, Mika et Sébastien, l'aventure de la poire géante. Qu'est-ce qu'on a encore? Un drame, La route sauvage d'Andrew Haid avec Charlie Plummer, Chloé Sevigny ou encore Steve Buscemi. Autre film, Transit, un drame de Christian Petzold avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski ou encore Paula Beer. Autre film, Foxtrot, un film dramatique de guerre de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler ou encore Jonathan Shiret. Autre film, Une femme heureuse, un drame de Dominique Savage avec Gemma Arterton, Dominique Cooper ou encore Frances Barber. Nobody's Watching, un drame de Julia Solomonoff avec Guillermo Pfennig, Elena Roger ou encore Raphaël Ferro. Land, drame western de Babak Jalali avec Rod Rondo, Florence Klein ou encore Wilma Pelli. Allez, c'est tout pour les sorties cinéma. On va tout de suite marquer une pause avec Mai Brandt et son titre C'est ma prière. jour sur la terre nous portera la lumière et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Si tu entends ma Mike Brandt, c'est ma prière sur le 107FM, 8h48, tout juste passé de quelques secondes, on fait un point météo. La météo. Encore aujourd'hui, ce sera plutôt ensoleillé avec tout de même quelques nuages et de la pluie attendue en soirée. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Pour demain jeudi, soleil et nuages, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 13 et 15 degrés l'après-midi. Pour vendredi, soleil et nuages également, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin et entre 18 et 20 degrés prévus pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec du football et en Ligue 2, la défaite de Nancy hier soir à Le Havre, 3 buts à 0. En Ligue des Champions, demi-finale aller, Liverpool a pris une avance face à l'AS Rome. Liverpool s'est imposé 5 buts à 2 hier soir et ce soir, c'est la finale avant l'heure entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Et information que nous avons appris hier, le décès d'Henri Michel à 70 ans, figure du football français qui avait notamment été sélectionneur de l'équipe de France de 1984 à 1988. En basket, en NBA, cette nuit, les Spurs de San Antonio de Tony Parker se sont inclinés face aux Golden State Warriors 99-91, 4 points pour Tony Parker. C'est donc là que va s'arrêter l'équipe des Spurs. L'équipe de Boston de Yabusele mène 3-2 face à Milwaukee grâce à leur victoire 92-87. Et l'équipe de Philadelphie de Luau Cabarro, qui normalement devrait revenir reprendre du temps de jeu, s'est qualifié 4-1 face au Heat de Miami en s'imposant cette nuit 104-91. Et ce soir, enfin cette nuit, entre aujourd'hui et demain, on a l'habitude avec le décalage horaire. L'Utah Jazz disputera son 5e match face à l'Oklahoma. L'Utah qui peut se qualifier dès ce soir. Et Washington affrontera l'équipe de Toronto. Les deux équipes sont à égalité de partout. Et on va terminer avec du tennis à Barcelone. Qualification de Gilles Simon en 2-7 face à Ivashka, 6-2, 6-3. Adrien Manarino s'est qualifié lui aussi en 2-7 face à Cuevas, 6-4, 7-6. Aujourd'hui, Gilles Simon affrontera Dimitrov. Benoît Paire sera opposé à Carreño Busta. Il y aura également Novak Djokovic face à Clizon et Rafael Nadal face à Carbales Buena. À Budapest, Richard Gasquet affrontera aujourd'hui Sonego. À Stuttgart, Caroline Garcia s'est qualifiée en 3-7 face à Marc Maria Sharapova, 3-6, 7-6 et 6-4. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Kontaveit. Et à Istanbul, Pauline Parmentier s'est qualifiée en 2-7 face à Aksu, 6-2, 6-2. Elle affrontera aujourd'hui Putintseva. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec les TLC et leur titre No Scrubs. Thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So, no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride. And I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat ass. So, yeah. No, yeah. I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. Say and no, no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of check your it, time. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. Trying to holler at me. Son, I'm talking to you. If you live at home with your mama, oh yes, son, I'm talking to you. If you have a shorty that you don't show love, oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Then it leaves you in a class with scrubs, never rising. Rise I don't find it surprising if you don't have the cheese to please me and bounce from here to the coast of overseas. So, let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. View it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular, and then I get back to ya. With diamond-like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mr. Stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. No Scrubs des TLC sur RGM, 8h55. On fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui avant de se dire au revoir. À 9h, ce sera Regarde d'ailleurs. À midi, la bulle de l'IA consacrée à la chanteuse Dobé. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 18h, rediffusion de L'heure des loups avec Lou qui était consacrée aux visites interdites. 19h, Fleur de peau avec André. 21h, ce sera la rediffusion de Vincent ou de François. Et minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.